Chapitre 21. Quand la CIA servait de caution à la fable des armes de destruction massive. Il ne fait pas de doute que Saddam Hussein dispose maintenant d'armes de destruction massive, annonce le vice-président Dick Cheney en août 2002. Le secrétaire à la Défense renchérit. Nous savons qu'ils ont des armes de destruction massive, cela ne fait pas débat. Devant la commission sénatoriale du renseignement, le 17 septembre, George Tenet ajoute que l'Irak a fourni à Al-Qaïda la technologie des bombes nucléaires et chimiques. Cette information est fondée sur un témoignage obtenu sous la torture, qui s'avérera totalement inventé. Ces prises de parole préparent le désormais célèbre discours que prononce, diapositive à l'appui, le secrétaire d'État Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Saddam Hussein et son régime dissimulent leurs efforts pour développer des armes de destruction massive. L'administration Bush en est à l'époque sincèrement convaincue. C'est le résultat d'un travail intense de lobbying par des groupes d'immigrés irakiens, représentés notamment par Ahmed Chalabi, personnage trouble, mais qui a gagné leur confiance en sachant adapter ses discours aux attentes des uns et des autres. Abreuvés de subventions, ces immigrés, désireux de faire renverser Saddam Hussein, se sont beaucoup agités pour produire des témoignages corroborant le pire cauchemar des faucons de Washington, des armes chimiques ou nucléaires entre les mains de Saddam Hussein. Mais pour partir en guerre, il faut plus qu'une conviction, des preuves irréfutables. La pression sur les agences de renseignement devient simplement inouïe. Côté CIA, la seule source concrète dont on dispose est celle d'un réfugié irakien surnommé Curveball par les services secrets allemands qui le détiennent. Ils ont transmis ces affirmations avec réserve car l'homme pourrait bien, selon eux, être un affabulateur. Pourtant, il faut que son témoignage soit jugé solide par l'agence chargée de l'examiner. Commence alors une curieuse partie racontée ici par Tyler Drumheller, à l'époque patron des opérations pour l'Europe. La conclusion qu'on peut tirer des témoignages disponibles aujourd'hui est sans appel. Plus haut responsable de l'agence et courroie de transmission entre elle et l'entourage de George Bush Jr., George Tenet a tout simplement trahi ses troupes en acceptant de laisser paraître un rapport inexact. Il a cédé sous la pression pour faire plaisir à ses maîtres et rester à son poste. Quelles qu'aient pu être ses qualités par ailleurs, cette tâche indélébile ternit son bilan, et surtout, sa faiblesse n'aura fait que discréditer l'agence qu'il croyait sauver. À ce jour, les armes de destruction massive irakiennes n'ont toujours pas été retrouvées. Interview de Tyler Drumheller à PBS. Jusqu'à sa retraite en 2005, Tyler Drumheller était l'espion numéro 1 de la CIA en Europe, le chef de la division Europe auprès de la direction des opérations. Ce qui suit a été extrait d'une interview menée le 15 février 2006 par la chaîne de télévision PBS. Il y avait beaucoup de préjugés. Un certain nombre de personnes dans l'administration sont en contact avec les communautés émigrées d'Irak et d'Iran. Ils en reçoivent des informations, et puis ils arrivent avec une idée toute faite de la situation. Et quand nos rapports vont à l'encontre de ça, au lieu de dire comme avant « comment ça se fait » ou bien « d'où vient le problème », maintenant on le voit comme ça. Vous faites preuve de déloyauté. Vous voulez parler par exemple de l'ancien sous-secrétaire à la Défense, Paul Wolfowitz, avec les Irakiens ? Je ne connais pas Wolfowitz. Mais ce groupe de gens, ces personnes du Pentagone, c'est bien connu qu'ils étaient en rapport avec la communauté des immigrés irakiens. Je pense qu'une grande part des idées préconçues à propos des armes de destruction massive et tout ça étaient alimentées par ces renseignements provenant des immigrés irakiens, que ce soit le Congrès national irakien, CNI ou d'autres. C'est notoire que les renseignements qu'on obtient des immigrés ne sont pas fiables. Parce qu'ils ont toujours une arrière-pensée. Ils essayent d'en remontrer à leur pays. Parfois, les infos sont fiables et il faut s'en servir, mais il faut vraiment vérifier sérieusement. Vous ne pouvez pas vous faire une image de ce qui se passe en vous basant sur les dires des immigrés. Je pense que ça a vraiment eu une grande influence. Dans le cas de Curveball, il y a quelques complications. C'est un bon exemple de la façon dont... Si ça avait été un dossier de l'agence, si nous nous en étions chargés, on aurait authentifié ses assertions bien plus tôt, bien avant de sortir les rapports, avant qu'on lui donne l'importance qu'on lui a donnée. Curveball est arrivé, s'est présenté comme un transfuge, et c'est les officiers de la DIA, Defense Intelligence Agency, agence de renseignement de la défense, qui s'en sont chargés. Je ne dis pas ça contre les officiers de la DIA. Il y a des officiers très bien. Mais à l'agence, nous avons une façon de faire les choses, un certain savoir-faire qui s'est développé sur 50 ans. Il y a des gens qui vont dire que nous sommes un peu trop prudents, mais en fait, il s'agit d'avoir un certain standard professionnel, une exigence qui est indispensable. Vers la fin du mandat de l'administration Clinton, au milieu des années 1990, il y a eu une grosse poussée en direction de l'Irak. Et après, vers la fin des années 1990, quand ils se sont préoccupés de plus en plus de la prolifération nucléaire en Iran, on a réaffecté les ressources qui travaillaient sur l'Irak vers l'Iran. J'étais sur le terrain à l'époque, alors je l'ai vu se produire. L'idée, c'était que, par rapport à l'Irak, avec les inspecteurs et les sanctions et tout ça, que l'Iran représentait une bien plus grande menace que l'Irak. Juste après l'arrivée au pouvoir de l'administration Bush, en février 2001, on nous a donné la consigne de mettre le paquet sur l'Irak, d'augmenter la collecte de renseignements sur l'Irak, plus de ressources sur l'Irak, ces types-là se concentraient sur l'Irak. Ce n'était pas une surprise. J'ai entendu parler immédiatement après le 11 septembre de tout ce truc sur les réunions de Prague entre Mohamed Atta et un officier du renseignement irakien. Ça n'a jamais eu lieu. J'avais un ami qui me disait qu'il y avait des gens au Pentagone qui, au printemps, militaient pour l'application de ce qu'ils appelaient la solution afghane à l'Irak, c'est-à-dire l'envoi de forces spéciales britanniques et américaines pour coopérer avec les Peshmerga, les combattants kurdes. Et les Peshmerga auraient joué le rôle que l'Alliance du Nord avait joué en Afghanistan. Finalement, les types les plus expérimentés, je crois bien ceux du département d'État et les nôtres, tout autant que les Britanniques, ont réussi à expliquer que l'Irak n'est pas l'Afghanistan. Les Peshmerga ne sont pas l'Alliance du Nord. Ce n'est pas du tout la même chose. Et l'idée a été abandonnée. Et ensuite quoi ? Mike Malouf, du PCTEG, le groupe d'évaluation des procédures contre-terroristes, et la Défense, DOD, Département de la Défense, prennent les renseignements bruts, les saisissent de nouveau et les propulsent vers le haut de l'échelle ? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on s'est sérieusement penché, au moins pendant un temps, sur la solution afghane en ce qui concerne l'Irak. Ensuite, arrivé à l'été, c'était clair qu'on partait en guerre contre l'Irak. Il n'y avait aucun doute à ce propos. On le sentait. N'importe qui avec une longue expérience de Washington le sentait bien. L'été 2002 ? Oui, 2002. Et je crois vraiment que ça venait beaucoup de l'influence des informations provenant des immigrés. C'est aussi ce printemps-là que le docteur Rice, Condoleezza Rice, a fait ce discours dans lequel elle a dit « Nous ne voulons pas attendre une preuve, que Saddam a la bombe, en forme de champignon nucléaire. » Et le vice-président a déclaré « Il ne fait aucun doute qu'ils l'ont fait », c'est-à-dire qu'ils ont remis en route leur programme nucléaire. Ça venait forcément des sources immigrées, ça, parce que ce n'était pas dans nos rapports à nous. Même le Pentagone ne disait pas ça dans ses rapports, de ce que j'ai vu. Et ils disent toujours « Oui, mais tous les autres services européens, partout dans le monde, tous les autres pays pensaient la même chose. » Mais non, pas exactement la même chose. Ils étaient tous préoccupés. Il existait une inquiétude générale que Saddam fabriquait des armes parce que c'était lui, c'était ce que Saddam faisait. C'était sa façon de forcer ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur à rester sur leur garde. L'opinion s'est développée, répandue, que les inspecteurs étaient une bande de clowns, ce qui était parfaitement faux. Les inspecteurs étaient des types sérieux, qui ont fait un travail efficace. Pas parfait, mais efficace. et les infos qui arrivaient disaient qu'il n'y avait pas d'armes. Le vrai renseignement, les informations factuelles. Et vous assistiez à cela ? Vous l'auriez vu ? Oui, et le plus gros provenait des inspecteurs. Je ne parle pas des renseignements venant des inspecteurs par le biais de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais on recevait d'autres choses très sensibles. Cet été-là, le rapport de la commission Silverman-Robb et le rapport SSCI allaient déclarer qu'il n'existait pas de pression politique directe exercée sur la communauté américaine du renseignement. Et c'était vrai. Personne n'est jamais venu dire « Écrivez ce rapport NIE, National Intelligence Estimate, évaluation de l'état du renseignement, de cette façon-ci. » Mais quand vous avez passé assez de temps à Washington, vous pouvez sentir quand il y a de la pression. Ce sont des bureaucraties. La CIA est une bureaucratie, le Pentagone est une bureaucratie. Les gens veulent que les choses avancent. Et la seule façon d'avancer, c'était d'avancer sur l'Irak. Et puis, beaucoup de gens étaient inquiets. C'était aussi évident que 2 et 2 font 4, la question de savoir s'il fallait détruire Saddam Hussein. On ne peut pas défendre l'idée que c'était une mauvaise chose, mais si c'est ça que vous voulez faire, et c'était ça qui me préoccupait cet été-là, pendant que les choses s'accéléraient, et à l'automne, quand c'est devenu clair qu'on allait vraiment y aller. Alors, il faut le faire correctement. Shinseki, le général en chef de l'armée, avait raison quand il a dit qu'il fallait 450 000 soldats. Schwarzkopf, le général en chef lors de la guerre du Golfe, avait 750 000 soldats et il ne se sentait pas très à l'aise d'attaquer Bagdad. Je crois que cette idée qu'on allait pouvoir les renverser grâce à notre supériorité technologique avait vraiment pris. Ils auraient pu monter une coalition comme celle de la guerre du Golfe. Au lieu de ça, ce qu'ils ont fait n'avait aucun sens. En envoyant tous ces soldats là-bas dans le désert, ils ont fait une grosse peur à tous ces gens de l'ONU, tous les Européens et les autres qui ont dit « Bon, eh bien, puisque les Américains y vont, on ferait mieux de… » Je crois vraiment que s'ils avaient permis aux inspecteurs de terminer les 3 mois qui restaient, de finir leur inspection, ils auraient pu convaincre les Français. Pas les Allemands, jamais, mais peut-être les Français et quelques autres pays d'Europe. Et si eux étaient venus, ils auraient amené avec eux leurs alliés arabes. Mais ça aurait voulu dire attendre encore 1 an, probablement, à cause de la météo. Ils ne pouvaient pas se le permettre, ni du point de vue matériel, ni du point de vue politique.